Bonsoir à vous, auditeurs, auditrices. Merci de nous prêter oreille. Voici tout de suite la carte menu de cette édition. Manque des semences sélectionnées de haricots en province Bouloli, alors que la saison culturelle B s'annonce. La directrice du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage explique cela par l'absence des multiplicateurs des semences de haricots. Vous aurez les détails au cours de cette édition. Et les natifs de la province de Makamba ont évoqué le manque d'eau potable et d'électricité. Et l'impraticabilité des routes comme différents défis qui freinent le développement de cette province. C'était lors d'une réunion d'échange que le gouverneur a tenue à l'endroit de ces derniers. Sur la carte menu également, la chronique nutrition qui est une rediffusion qu'on vous propose. On réévoquera les bienfaits du poireau. Voilà pour l'essentiel. À la présentation d'Auré Bingabilé, Chancel Amugisha Wimana sur la mise en onde. Bienvenue à l'écoute de cette édition. La radio de l'avenir. Bienvenue encore. Les agriculteurs de la province de Bouloli crient au manque de semences sélectionnées de haricots alors que la saison culturelle B s'annonce. Ils demandent la disponibilité de ces derniers. La directrice du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Bouloli confirme cette pénurie. Glorieuse Niubawe indique qu'elle est due à l'absence des multiplicateurs de semences de haricots. Elle explique que les multiplicateurs, que ces derniers s'intéresse beaucoup plus aux pommes de terre. Elle appelle les multiplicateurs des autres provinces à venir vendre leurs semences sélectionnées à Bouloli pour cette saison culturelle. Zeno Nzambimana depuis Bouloli. Certains des agriculteurs de la province de Bouloli disent qu'ils ont déjà commencé le labour pour la saison culturelle B, mais tous avec qui nous sommes entretenus grognent qu'ils font face aujourd'hui au manque criant de semences sélectionnées de haricots. Certains disent qu'ils ne disposent que de semences à mauvaise qualité et non productives, comme ils l'ont constaté au niveau de la récolte de l'année culturelle B écoulée. D'autres disent qu'ils achètent ces semences au marché, mais là aussi des semences non sélectionnées. Tous demandent aux chargés de l'agriculture dans la province de Bouloli de rendre disponibles ces semences sélectionnées de haricots. La directrice du Bureau provincial de l'environnement de l'agriculture et de l'élevage à Bouloli confirme cette pénurie de semences sélectionnées de haricots dans toute la province de Bouloli. Glorieuse Niubawe fait savoir que cette pénurie est due à l'absence des multiplicateurs de semences de haricots, car ceux de la province de Bouloli préfèrent surtout la multiplication des pommes de terre et de maïs. Pour répondre à ces préoccupations des agriculteurs liées au manque de semences sélectionnées de haricots, Glorieuse Niubawe appelle les multiplicateurs de semences de haricots des autres provinces du Burundi à venir les vendre à Bouloli cette saison culturelle B. Selon certains des experts en matière de l'agriculture avec qui nous sommes entretenus, la redynamisation des centres semenciers du pays et un bon encadrement des multiplicateurs de semences reste une meilleure solution pour que tous les agriculteurs aient accès facile aux semences sélectionnées. Depuis Bouloli, Zeno Nzabimana pour la radio Isanganiro. Merci Zeno. Parlons toujours agriculture. Une maladie dite fusarieuse de la banane a attaqué les plantations bananières dans certaines collines de la commune Garombo en province Kayanza. Les agriculteurs indiquent que les feuilles de bananier fanent et que le régime de banane jaunit avant même la maturité et demandent une nouvelle variété de plants de bananier. Adelin Niosaba, directeur du bureau provincial en charge de l'environnement, de l'agriculture et élevage, leur conseille de déraciner les plants de bananier déjà atteints par la maladie et d'attendre 6 mois avant de planter de nouveau. Patrick Zengeyumba. Cette maladie dite fusariose de la banane ou flétrissement bactérien de la banane en d'autres termes se fait parler surtout aux collines Kiyange, Luzingati, Nzewe, Kivuvuma, Bigogo et Gassave comme l'indiquent les agriculteurs à ces collines de la commune Garombo en province Kayanza. Les mêmes agriculteurs font savoir que les champs de bananiers ont été attaqués par cette maladie de la banane et qu'ils ne trouvent pas facilement aujourd'hui des régimes de bananes à consommer dans leur ménage. Ils indiquent qu'avec cette maladie de la banane, l'effet des bananiers banane et le régime de banane est jauni avant la maturité. Les agriculteurs des bananiers à Gahombo, Domemeke Sylvestre Nunzwe Nimana, administrateur communal, demandent que le bureau en charge de la protection de l'environnement, agriculture et élevage à Kayanza, en collaboration avec l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isamo Ansig, puisse leur accorder une nouvelle variété de bananiers en remplacement avec celles déjà atteintes par la maladie. Adelan Nyonsawa, directeur du bureau en charge de la protection de l'environnement agriculture et élevage en province Kayanza, appelle les agriculteurs de la commune Gahombo à la coupe systématique de tous les bananiers déjà atteints par la maladie et de passer l'outil utilisé pendant la coupe au feu pour désinfecter les bactéries qui seraient restées sur cet outil en vue de lutter contre la propagation de cette maladie de la banane. Le directeur du BPA Kayanza invite les agriculteurs de la commune Gahombo dont les champs de bananiers sont atteints par la fusariose à couper les bourgeons terminaux des régimes de bananes pour éviter que les abeilles à la quête du nectar propagent cette maladie. Signalons que cette maladie de la banane s'observe également à certaines collines de la commune Gatala frontalière à la commune Gahombo, telle que Kibayi, Kanyanguru et Kibaribari. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganilo. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganilo. Il est 18h06 dans les studios et à Bujumbura. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganilo RTI et sur X, c'est RT Isanganilo. Dans la suite de cette édition, le manque d'électricité et d'eau potable, des routes en mauvais état sont certains des problèmes exposés par les natifs de la province Makamba. C'était ce samedi au cours d'une réunion d'échange sur le développement de cette province que le gouverneur a tenu à l'endroit de ses natifs. Ils ont expliqué que cela freine le développement provincial. Au niveau de la régie des eaux en province Makamba, on a indiqué que des rapports concernant les problèmes d'eau et d'électricité sont toujours transmis aux supérieurs. Le gouverneur de la province a demandé à ses natifs d'appuyer les travaux de développement des communes jusque même au niveau collinaire. Élisée Kwizera depuis Makamba. Au cours de cette réunion d'échange sur le développement de la province Makamba, les problèmes liés au manque d'électricité et d'eau potable, ainsi que celui des routes à mauvais état, ont été soulevés. Parmi les routes qui ont été évoquées, figure celle qui relie la province Makamba à celle de Bururi, la route de la commune Mabanda vers la commune Vugizo, ainsi que celle de Mabanda vers la commune Kibago, qui sont presque impraticables. Au niveau de la régie des eaux en province Makamba, Fabrice Nakiruta indique que des rapports relatifs aux problèmes d'électricité et d'eau potable sont toujours transmis aux échelons supérieurs. Cependant, il déplore que certains quartiers qui réclament de l'électricité sont dépourvus des routes et cela rend impossible l'approvisionnement de ces quartiers en eau et électricité. S'agissant des routes à mauvais état, Rémi Ndayisamba, représentant le ministère des infrastructures dans la province de Makamba, signale que les travaux de réaménagement des routes Makamba-Bururi sur son tronçon d'eau Inansegwe à Makamba et celle de Mabanda vers Fugizo étaient en cours, mais que ces travaux ont été freinés par le manque de la carrière et fait savoir que l'agence routière du Burundi en est à la recherche. À propos de la route de Mabanda vers la commune Kibago, il fait savoir que celle-ci sera réaménagée quand celle de Fugizo sera achevée. Au cours de cette réunion, certains des administratifs et natifs de la province Makamba demandent aux entrepreneurs d'investir dans la construction des hôtels. Le gouverneur de la province Makamba, Tantine Nchutina Magara, invite tous les natifs de cette province à appuyer les travaux de développement des communes jusqu'au niveau collinaire. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci Élisée Kwizera. Depuis Makamba, dirigeons-nous en province de Karusi où les habitants demandent à l'administration de ne ménager aucun effort dans le renforcement de la sécurité lors de la distribution du sucre quand ce dernier est disponible. Ils le disent au moment où ce vendredi, la distribution a été marquée par des échauffourées, entraînant même un emprisonnement d'un commerçant du sucre pour coups et blessures lors de cette activité, comme ils le rapportent. Ces habitants déplorent cependant qui se remarque souvent d'irrégularité lors de la distribution. Blaise Pascal Kalalumiye. Après un mois que les consommateurs du sucre n'en trouvent plus dans la province Karoussi, c'est un soulagement pour eux car l'approvisionnement a eu lieu au cours de cette semaine en cours, comme le confirment les commerçants distributeurs de ce produit. Cependant, ces habitants déplorent que la distribution du sucre est quelquefois entachée d'irrégularité, que la plupart des consommateurs de cette denrée alimentaire dans la province ne sont pas servis. Ce vendredi, par exemple, au chef-lieu de la province Karoussi, sur de longues files d'attente devant le magasin danseurs commerçants grossistes de ce sucre à ce centre, des échauffourées ont marqué cette distribution que la plupart de ceux qui étaient là ont été contraints de partir les mêmes bredouilles et c'est d'autant plus qu'il faisait même nuit. Ces habitants regrettent que certains des policiers sur place se sont mis à fouetter des gens au lieu de rétablir l'ordre et un commerçant de la place a été mis au cachot pour coups et blessures. Du moment que les commerçants distributeurs de ce sucre dans la province Karoussi indiquent qu'actuellement les quantités reçues sont réduites à un tiers, ces habitants demandent aux responsables de l'administration provinciale et communale de plus d'efforts pour assurer la sécurité à la population lors de cette activité afin que la distribution soit aussi équitable. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Karaloumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal. En actualité sportive, avant la chronique nutrition, l'équipe de basketball Simba BBC de la province Gitega a remporté la coupe du championnat national de basketball Ligue B. Elle a battu Target Rumuli de la province Ngodi sur un score de 70-64. C'était ce dimanche au terrain de basketball de Ngodi. Quatre équipes des provinces Gitega, Ngodi, Makamba et Tchanguzo sont arrivés en demi-finale. Selon Pierre Claver Hachimana, vice-président de la Fédération de basketball du Burundi, la décision d'avancement de l'équipe Simba BBC en Ligue A sera décidée au cours d'une assemblée générale du week-end prochain. Tout de suite, place à la chronique nutrition. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Pour la chronique nutrition de ce dimanche, on vous propose une rediffusion sur les bienfaits du poireau. Il est une source de vitamine C qui stimule le système immunitaire, participe au bon fonctionnement du système nerveux. Selon Jean-Paul Winéza, chercheur nutritionniste, le poireau est composé de fer, de vitamine B et de vitamine E pour lutter contre le vieillissement cutané. Le poireau permet de préserver la santé cardiovasculaire. Chronique nutrition, signé Jean-Marie Mayonga. Le poireau est un légume qui peut être préparé dans plusieurs façons. Le chercheur nutritionniste Jean-Paul Winéza commence à nous expliquer ce que c'est ce légume et son fonctionnement dans notre organisme. Le poireau se trouve dans des familles des oignons. Le poireau, comme beaucoup de nutritionnistes le décrivent ou bien le surnomment ou bien le parlent, le poireau peut éliminer l'acide urique. C'est le nom qui l'indique que le poireau est un bon légumes se trouvent dans des légumes et qui peut éliminer l'excès d'acide urique. Le poireau, synonyme de poireau, allium et apamperoplasum, c'est-à-dire en d'autres termes poireau d'été ou bien poireau perlé. Le tige du poireau, allium pollum, plante herbacée de la famille des liliacées. Jean-Paul Winéza précise que le poireau a une quantité suffisante de sucre et contient aussi des vitamines B9 et de fer. Les poireaux contiennent un acide d'hydrate de carbone qui égale 12,3%. Le poireau contient d'acide folique qui égale 64,1 microgrammes par 100 grammes et aussi, à ce qui concerne des minéraux, parmi ces derniers, il faut citer le calcium 59 mg par 100 g et aussi le poireau contient de magnésium 28 mg par 100 g et aussi le poireau contient le fer 2,1 mg par 100 g. 500 g de poireau apporte le 10 mg de fer dont a besoin un adulte. En cas d'arthrite, le poireau peut aider à éliminer les déchets qui menacent le corps. Le poireau contient également une huile essentielle semblable à celle de l'oignon. Faites l'oignon rouge et l'oignon blanc comme ça. C'est moins concentré. En fait, l'acide qui se trouve dans le poireau, c'est moins concentré que l'oignon. Faites l'huile essentielle. En cas d'arthrite,